Invité 45. Conversation. Écoutez. On a bavardé, mais on ne nous a pas punis. Malgré nos bavardages, on ne nous a pas punis. Bien que nous ayons bavardé, on ne nous a pas punis. Il pleut, mais nous avons fait une promenade. Malgré la pluie, nous avons fait une promenade. Bien qu'il pleuve, nous avons fait une promenade. Le feu était rouge, mais il a voulu traverser. Malgré le feu rouge, il a voulu traverser. Bien que le feu soit rouge, il a voulu traverser. Répétez. 1. On a bavardé, mais on ne nous a pas punis. 2. Malgré nos bavardages, on ne nous a pas punis. 3. Bien que nous ayons bavardé, on ne nous a pas punis. 4. Il pleut, mais nous avons fait une promenade. 5. Malgré la pluie, nous avons fait une promenade. 6. Bien qu'il pleuve, nous avons fait une promenade. 7. Le feu était rouge, mais il a voulu traverser. 8. Malgré le feu rouge, il a voulu traverser. 9. Bien que le feu soit rouge, il a voulu traverser. Répondez, répétez. 10. On vous a puni? 11. Non, on a bavardé, mais on ne nous a pas puni. 12. On vous a puni? 13. Non, malgré nos bavardages, on ne nous a pas puni. 14. On vous a puni? 15. Non, bien que nous ayons bavardé, on ne nous a pas puni. 16. Vous vous êtes promené aujourd'hui? 17. Oui, il pleut, mais nous avons fait une promenade. 18. Vous vous êtes promené aujourd'hui? 19. Oui, malgré la pluie, nous avons fait une promenade. 20. Vous vous êtes promené aujourd'hui? 21. Oui, bien qu'il pleuve, nous avons fait une promenade. 22. Paul a payé une amende? 23. Oui, le feu était rouge, mais il a voulu traverser. 24. Paul a payé une amende? 25. Oui, malgré le feu rouge, il a voulu traverser. 26. Paul a payé une amende? 27. Oui, bien que le feu soit rouge, il a voulu traverser. Écoutez. 28. De quoi parlait sa dernière pièce? 29. Des rapports parents-enfants. 30. A-t-elle eu du succès? 31. Non. Pourtant, la mise en scène était originale. 32. Sa dernière pièce a-t-elle eu du succès? 33. Non. Bien que la mise en scène ait été originale, elle n'a pas eu de succès. Répétez. 34. De quoi parlait sa dernière pièce? 35. Des rapports parents-enfants. 36. A-t-elle eu du succès? 37. Non. Pourtant, la mise en scène était originale. 38. Sa dernière pièce a-t-elle eu du succès? 39. Non. Bien que la mise en scène ait été originale, elle n'a pas eu de succès. Répondez, répétez. 40. De quoi parlait sa dernière pièce? 41. Des rapports parents-enfants. 42. A-t-elle eu du succès? 43. Non. Pourtant, la mise en scène était originale. 44. Sa dernière pièce a-t-elle eu du succès? 45. Non. Bien que la mise en scène ait été originale, elle n'a pas eu de succès. Écoutez. Il a pris froid. Oui, bien que je lui ai dit de bien se couvrir. Il a pris froid. Oui, et pourtant, je lui avais dit de bien se couvrir. Répétez. 46. Il a pris froid. 47. Oui, bien que je lui ai dit de bien se couvrir. 48. Il a pris froid. 49. Oui, et pourtant, je lui avais dit de bien se couvrir. Répondez, répétez. 50. Il a pris froid. 51. Oui, bien que je lui ai dit de bien se couvrir. 52. Il a pris froid. 53. Oui, et pourtant, je lui avais dit de bien se couvrir. Écoutez. 54. En ligne maintenant, le responsable de la CGT. 55. Y a-t-il une solution en vue? 56. Non, pour l'instant, on ne voit pas de solution à la crise. 57. Pourtant, ce matin, il y aura une nouvelle réunion. De quoi allez-vous parler? 58. Oui, une réunion pour mettre au point notre stratégie. 59. Vous allez envisager de nouvelles actions. 60. Oui. Parce que malgré nos concessions, le gouvernement ne veut pas donner satisfaction aux travailleurs. Répondez, répétez. 61. Y a-t-il une solution en vue? 62. Non, pour l'instant, on ne voit pas de solution à la crise. 63. Pourtant, ce matin, il y aura une nouvelle réunion. De quoi allez-vous parler? 64. Oui, une réunion pour mettre au point notre stratégie. 65. Vous allez envisager de nouvelles actions. 66. Oui, parce que malgré nos concessions, le gouvernement ne veut pas donner satisfaction aux travailleurs. Écoutez. Tu es seul? Oui, j'ai eu bon insister. Pierre n'a pas voulu sortir ce soir. Pourtant, il aime bien jouer au bridge. Oui, mais il a beau aimer ça, il était vraiment trop fatigué. On va quand même pouvoir jouer? Oui, on peut quand même faire deux tables. Répétez. 67. Tu es seul? 68. Oui, j'ai eu bon insister. Pierre n'a pas voulu sortir ce soir. 69. Pourtant, il aime bien jouer au bridge. 70. Oui, mais il a beau aimer ça, il était vraiment trop fatigué. 71. On va quand même pouvoir jouer. 72. Oui, on peut quand même faire deux tables. Répondez, répétez. 73. Tu es seul? 74. Oui, j'ai eu bon insister. Pierre n'a pas voulu sortir ce soir. 75. Pourtant, il aime bien jouer au bridge. 76. Oui, mais il a beau aimer ça, il était vraiment trop fatigué. 77. On va quand même pouvoir jouer. 78. Oui, on peut quand même faire deux tables. Écoutez. Tu as vu ce truc-là? Oui, mais je me demande ce que c'est. À quoi cela peut-il servir? Je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être un nouvel ustensile de cuisine? C'est possible. On n'arrête pas le progrès. Répétez. 79. Tu as vu ce truc-là? 80. Oui, mais je me demande ce que c'est. 81. À quoi cela peut-il servir? 82. Je n'en ai pas la moindre idée. 83. Peut-être un nouvel ustensile de cuisine? 84. C'est possible. On n'arrête pas le progrès. Répondez, répétez. 85. Tu as vu ce truc-là? 86. Oui, mais je me demande ce que c'est. 87. À quoi cela peut-il servir? 88. Je n'en ai pas la moindre idée. 89. Peut-être un nouvel ustensile de cuisine? 90. C'est possible. On n'arrête pas le progrès. Écoutez. Salut. Quoi de neuf aujourd'hui? Rien de spécial. Il y a du courrier pour moi? Non, mais le facteur n'est pas encore passé. Par quoi commençons-nous? J'ai préparé un soufflé au fromage. Oh, en l'honneur de quoi? Tout simplement parce que je me sentais une âme de cordon bleu. Répétez. 91. Salut. Quoi de neuf aujourd'hui? 92. Rien de spécial. 93. Il y a du courrier pour moi. 94. Non, mais le facteur n'est pas encore passé. 95. Par quoi commençons-nous? 96. J'ai préparé un soufflé au fromage. 97. Oh, en l'honneur de quoi? 98. Tout simplement parce que je me sentais une âme de cordon bleu. Répondez, répétez. 99. Salut, quoi de neuf aujourd'hui? 100. Rien de spécial. 101. Il y a du courrier pour moi. 102. Non, mais le facteur n'est pas encore passé. 103. Par quoi commençons-nous? 104. J'ai préparé un soufflé au fromage. 105. Oh, en l'honneur de quoi? 106. Tout simplement parce que je me sentais une âme de cordon bleu.